satellite Spot, il y a 30 ans, pesait entre 2 et 3 tonnes. Depuis lors, l'ingénierie satellite a suivi le même chemin que l'informatique. Miniaturisation, réduction du poids et réduction des coûts, à tel point qu'aujourd'hui, les plus petits satellites ne pèsent que quelques grammes. Ces nanosatellites ou ces picosatellites ont également permis une démocratisation de l'accès à l'espace, la décentralisation de la fabrication de ces modules qui peuvent être aujourd'hui produits dans des universités. Reste à savoir jusqu'où ils peuvent être exploités, jusqu'où ils peuvent être améliorés et jusqu'à quel type d'usage ils peuvent être conduits. Nanosatellites petits mais costauds, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette course à la miniaturisation spatiale, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu à Toulouse, Marianne Claire, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des systèmes orbitaux au CNES, pardon, le Centre National d'Études Spatiales. Et nous sommes ici à la Maison de la Radio à Paris avec David Mimoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du groupe de recherche systèmes spatiaux à l'ISAE Supaéro, co-instigateur de la mission InSight dont on va reparler dans un instant. Vous pouvez suivre comme chaque jour l'émission en direct sur, sur les ondes de France Culture et en parallèle sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, nous avons parlé autour de cette table il y a très très peu de temps, puisqu'elle a été mise en orbite, elle a été lancée il y a très peu de temps, de cette fameuse mission InSight. C'était il y a une dizaine de jours, mission d'exploration martienne qui doit permettre notamment de confirmer la structure de la planète et de son noyau, avec cette nouveauté pour la première fois dans cette mission InSight qu'il y a 2 nanosatellites qui sont embarqués. Est-ce que ça veut dire, David Mimoun, que ça y est, ces nanosatellites sont passés à l'âge adulte, qu'on les utilise pour l'exploration spatiale, qu'ils ont suffisamment fait leurs preuves? Alors c'est effectivement une première, hein, c'est la toute première de ces satellites. Alors pas évidemment des CubeSats, puisqu'aujourd'hui il y a à peu près 800 CubeSats qui ont été lancés en orbite basse. Par contre, c'est les deux premiers à franchir cette frontière un petit peu imaginaire qui est l'orbite de la Lune. Enfin, ils partent un petit peu plus loin, donc ils vont en orbite. Enfin, ils vont passer au large de Mars pour nous aider à relayer les données d'InSight pendant son atterrissage. Et pendant les fameux 7 minutes les 7 minutes de terreur, on en reparlera tout à l'heure. Un mot, Marianne Claire, sur ces nanosatellites. Alors on va dire nanosatellites, CubeSat, on va définir tout ça, mais pour dire que depuis maintenant une vingtaine d'années, ils sont arrivés à maturité aujourd'hui pour le CNES, pour la NASA, pour les agences spatiales, pour servir dans l'exploration spatiale à proprement parler. Oui, absolument. Mais les CubeSat, en fait, une différence entre CubeSat et NanoSat. Le CubeSat, c'est un peu l'élément, hein, 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. C'est donc un cube de 10 cm de diamètre. Et puis après, vous pouvez en mettre 1, 2, 3. Et vous pouvez décliner comme ça, on peut dire, jusqu'à 27 fois ce module. Et toute cette gamme-là, ça représente ce qu'on appelle les nanosatellites, c'est-à-dire donc entre quelques kilos et puis une cinquantaine de kilos. Voilà, c'est à peu près la gamme dans laquelle on est. Et c'est vrai qu'on a fait énormément de progrès depuis ces dernières années sur les aspects miniaturisation. Donc ça permet, avec ces objets qui sont somme toute tout petits, eh bien maintenant d'accrocher quelques missions qui, au niveau performance, que ce soit scientifique et technique, offrent des possibilités, ce qui n'était pas le cas précédemment. Voilà. Alors souvent, ça s'inscrit en complément d'une mission mère. On le voit sur les satellites dont on vient de parler, sur la sonde InSight. Évidemment, ils ne vont pas tout seuls vers Mars. Hein. C'est la sonde InSight qui les amènera vers Mars et ils seront complémentaires de la mission lorsqu'on arrivera sur Mars. Oui, voilà, on peut peut-être préciser d'emblée, David Mimoun, que ces nanosatellites n'ont pas vocation à se substituer aux satellites conventionnels, que c'est une autre forme de satellite qui a une autre forme d'usage, complémentaire, distinct. Alors, si j'avais une comparaison à donner, c'est un petit peu on est un petit peu au début d'une rupture, je pense, d'une rupture technologique. De la même façon, vous vous souvenez, pour les premiers téléphones portables, quand on avait des imageurs, enfin des petites caméras, on disait bah c'est pas du tout en concurrence avec les gros appareils photo, etc. Oui. Et c'est un petit peu le même genre de situation dans lesquelles on se trouve avec les CubeSat, parce que dans les années 2000, il y en avait 4-5 qui volaient par an, et puis dans les années 2010, il y en a une centaine. Et puis en 2015, il y en a eu 400. Et puis aujourd'hui, en 2018, on arrive à 800. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose. On assiste en fait à une croissance exponentielle de ce genre d'objets qui ont des performances évidemment inférieures aux satellites. On parlait de Spot, on peut parler de Pléiade ou d'autres satellites. Mais on est dans une rupture de type technologique, je pense. Marianne Claire, votre opinion là-dessus ? Oui, tout à fait. Ce sont des ruptures et on adresse des missions. On va adresser des missions en particulier sur l'Internet des objets. Les nanosatellites sont une réponse parfaitement adaptée à ce type de préoccupation. Et on le voit bien puisque dans le futur de la mission Argos, la mission Argos des balises Argos, je pense que beaucoup de vos auditeurs connaissent les balises Argos, eh bien, l'évolution de ce nouveau système, on l'envisage dans le cadre d'une flottille de nanosatellites, alors que jusqu'à présent, on était plutôt sur la base de charges utiles qui étaient passagers sur de gros satellites qui avaient d'autres missions. Et pourquoi on envisage cette orientation ? Parce qu'évidemment, ça offre des opportunités plus faciles en termes de lancement et en termes d'indépendance de traitement du système Argos lui-même. Et puis effectivement, de nouvelles opportunités, des missions complémentaires, de nouvelles opportunités. Et puis globalement, on voit bien une augmentation de l'utilisation du spatial. Donc il y a beaucoup de nouveaux véhicules qui trouvent leur place dans cette nouvelle vision du spatial. Et on va voir au cours de cette heure comment ces nanosatellites ou ces CubeSats s'inscrivent dans tout ce new space où on réduit la taille, on réduit les coûts, on industrialise, on change de processus de fabrication aussi. On va voir, c'est très important pour ces nanosatellites. Et puis je vais en profiter pour renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée précisément au suivi des animaux sauvages, notamment via ces balises Argos et comment via un suivi satellitaire on pouvait suivre l'évolution géographique, statistique de ces animaux sauvages. On va vous mettre le lien tout de suite sur le fil Twitter. Mais peut-être, pour commencer, un peu d'historique, parce que, après tout, la miniaturisation, la réduction de la charge utile, comme vous l'évoquiez, Marianne Claire, elle apparaît dès le début de la conquête spatiale. Du poids à emporter, c'est de l'argent, c'est du coût, c'est de l'énergie. Bref, moins c'est lourd, plus c'est simple et moins ça coûte cher. Bon, et ça, c'est vraiment le maître mot de la conquête spatiale depuis le début. Effectivement, il y a toujours eu cette préoccupation de miniaturisation. Vous avez parlé de la filière Spot, qui est assez emblématique de ce point de vue-là, puisqu'on a perdu un facteur 3, et c'est pas par hasard. De toute façon, il faut arracher la masse à l'attraction terrestre. Donc, effectivement, moins c'est lourd et moins c'est volumineux aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il faut rentrer sous les coiffes des lanceurs. Moins c'est lourd et moins c'est volumineux, et plus c'est facile à emmener en orbite. Voilà. Donc c'est une démarche depuis toujours. Alors, on a bénéficié évidemment également côté spatial de toute la miniaturisation des composants électroniques et je pense que ça on en parlera tout à l'heure à Grenoble en particulier qui est très très au point sur ce sujet. À partir de quel moment commence à émerger c'est pour les premiers microsatellites, je crois que c'était pour des satellites radio-amateurs non commerciaux au début d'Happy Moon. Alors en fait, il y a deux grandes époques. Il y a eu des tentatives de faire des satellites non commerciaux, donc avec des satellites radio amateurs. En particulier, je me souviens quand j'étais étudiant du satellite Arsène, lancé par Super-Héros. À l'époque, c'était l'aérospatiale. Donc, c'était en 93. Mais on parlait pas de nanosatellites. C'était un mini satellite qui devait peser une centaine de kilogrammes. Donc, quand même, aujourd'hui, on parlerait de gros CubeSats. Ensuite, la véritable rupture, elle vient de Californie également, avec, dans les années 2000, elle vient de Stanford et de Cal Poly, où là, les gens ont eu l'idée, en fait, de mettre toutes ces fonctions d'un satellite qui était auparavant réparti dans ce gros satellite de 100 kilos, et d'essayer avec la miniaturisation que vous évoquiez de mettre ça dans un cube de 10 x 10 x 10. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que l'immense majorité des CubeSats, quand on regarde les statistiques, sont à peu près de 3 unités, c'est-à-dire ça tient dans une boîte à chaussures. C'est à peu près, si on veut que les auditeurs aient une bonne idée, voilà. Vous avez un satellite dans une boîte à chaussures avec toutes les fonctions du satellite, la puissance, les calculs bord, la charge utile, etc. Donc c'est né dans les années 2000, donc sur un terreau à Stanford, d'innovation. Stanford et Cal Poly, oui. Et Cal Poly. La révolution, j'aurais tendance à dire, c'est l'interface. En fait, l'interface avec les lanceurs qui a été standardisée. Alors parce que quand on démonte le satellite, chaque satellite est un petit peu spécifique. On n'est pas encore en termes de Lego ou de puzzle qu'on assemble. Par contre, l'interface en elle-même, l'interface avec le lanceur, elle est standardisée. C'est une sorte de diable qui sort de sa boîte, pour prendre quelque chose d'imagé. Ça s'appelle un P-pod, donc inventé à cette époque-là, où 3 cubes de 10 cm peuvent prendre place, ou un cube, enfin, ou un satellite de 30 × 10 × 10, etc. Et c'est un peu cette idée de faire rentrer toutes ces fonctions d'une nanosatellite dans ce cube avec cette interface standardisée qui a permis l'effort, enfin, et l'émergence de cette rupture technologique. C'est la standardisation. On se retrouve dans un schéma assez classique finalement. Marie-Anne-Claire, effectivement, sur l'apparition du CubeSat en 99 à Stanford et Cal Poly, il y a évidemment la forme que vient de décrire David Mimoun, mais il y a quelque chose d'important, c'est aussi qu'on arrive à une standardisation. Absolument, et c'est ça qui est vraiment fondamental. Dans les années 99, justement, nous au CNES, enfin en France donc, nous étions sur des filières de mini-satellites autour de 500 kilos, ce qui était déjà un facteur 2 ou 3 par rapport aux prédécesseurs, voire sur des micro-satellites, c'est-à-dire autour de 100 et 150 kilos. Et là, on adressait des missions scientifiques qui étaient d'importance. Et ce que, effectivement, Stanford a fait en 1999, c'est vraiment cette standardisation qu'ils ont réussi à imposer à l'ensemble de la communauté, et ça c'est quand même remarquable, parce que c'est pas souvent, on est quand même tous un petit peu plus dispersés, souvent. Voilà, donc là, ils ont vraiment réussi ce défi, et tout le monde s'est aligné, et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, cette standardisation, elle est porteuse de énormément de, comment je veux dire, financièrement d'ailleurs, déjà, elle a porté énormément, et puis elle permet de se concentrer sur la charge utile réelle, et ne plus se préoccuper, ou moins se préoccuper de tout l'aspect servitude du satellite. Alors, David a parlé de satellite jusqu'à 3U, c'est-à-dire des 30 cm sur 10 cm. On dit 1U pour un CubeSat et on dit 3U, 4U, 5U, 10U, 27U, on etc. On compte en U et c'est bien cette standardisation qui va avec ça. Il est vrai que sur un 3U, même un 3U, qui sont les cibles classiques, en particulier des nanosatellites universitaires et étudiants, on n'a pas toutes les fonctionnalités d'un grand, en particulier on n'a pas de propulsion souvent. Donc ça, et on va voir que c'est un gros problème, oui. C'est un gros problème, c'est une question. On n'a pas non plus forcément la capacité de stabiliser 3 axes, le satellite. Donc souvent, il est soumis un peu à son roulis. Et puis, il n'est pas aussi, il ne permet pas des missions aussi précises que des satellites un peu plus gros. C'est pour ça qu'au CNES, nous, on envisage de faire monter un peu la gamme jusqu'à avoir des 27U, où là, on pourrait avoir quelques fonctionnalités dignes vraiment des grands satellites. Donc tout ça est un ensemble. Il y a un ensemble d'acteurs qui aujourd'hui tournent autour de ces nanosatellites et chacun amène sa pierre à l'édifice. Je faisais référence, Marianne, David Blumé, à ce standard 3U, parce que quand on regarde un peu les statistiques, là il y a un rapport de la National Science Foundation de 2016 qui est assez complet justement sur toutes ces statistiques. En gros, c'est plus de 80% des CubeSats qui ont volé, en particulier ceux de Planet Labs, etc. Donc ça, il y a quand même effectivement, on n'a pas toutes les fonctions à bord. Mais c'est un petit peu, comme je disais tout à l'heure, ces appareils photo qui étaient très rudimentaires, mais qui remplissent un besoin qui n'était pas rempli avant, celui de pouvoir prendre une photo comme ça. Et là, pour les CubeSats, je pense qu'on est vraiment par rapport à ça. Et le CNES soutient tout à fait l'évolution technologique qui va vers la miniaturisation. Et je parie que toutes ces fonctions vont pouvoir, même les fonctions avancées, vont pouvoir de mieux en mieux rentrer au niveau des CubeSats, même les petits. Moi, la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est que donc on est en 99 quand Stanford et Cal Poly mettent en place ce CubeSat. Vous l'avez dit, Marie-Anne-Claire, ce CubeSat, il a très vite été imposé à la communauté aérospatiale. Or, plusieurs questions se posent. En 99, les performances informatiques ne sont pas celles d'aujourd'hui. Elles sont certes meilleures que celles des années 70 ou des années 60, mais elles sont quand même relativement limitées. Et on sait, et on en a beaucoup parlé autour de cette table, que la communauté aérospatiale est extrêmement conservatrice, que c'est difficile d'imposer des nouveaux standards. Comment est-ce qu'on explique que ce CubeSat ait à ce point-là immédiatement, ou très rapidement en tout cas, rencontré l'adhésion de la communauté aérospatiale? Peut-être Marie-Anne-Claire pour commencer, puis David Mimoun après sur cette question. Bon, alors d'abord, vous n'allez pas me faire dire que la communauté aérospatiale est, comment vous avez dit, conservatrice. Statique, j'ai dit conservatrice. Ah si, on a du mal à mettre des nouveautés, parce que tant que ça marche et tant que c'est sûr, on continue avec l'existant plutôt que de prendre du neuf. Vous pouvez pas dire le contraire. Oui, c'est un peu vrai, mais en matière en particulier de objectifs scientifiques, On a de très beaux objets, et c'est pas tout à fait le sujet de cet après-midi, mais enfin, on est en train de faire des instruments, en particulier de mesure du carbone, qui, croyez-moi, sont des grandes innovations technologiques. On viendra vous parler de l'innovation et du spatial, parce qu'effectivement, on a un côté, je dirais, assez classique dans la façon dont on a de vérifier et de qualifier les objets. Effectivement, là-dessus, on considère qu'on a des schémas aujourd'hui qui ont fait leur preuve, mais ils ont fait leur preuve, c'est sûr, et nous ont généralement mené au succès, mais néanmoins, ils sont relativement longs et relativement chers. Et ce que les CubeSat ont amené également avec toute cette dynamique, c'est des façons de faire beaucoup plus rapides. Mais au début, il y a eu beaucoup de CubeSat qui n'ont pas marché aussi, hein. Donc on a eu cet engouement pour les CubeSat, et on en a encore aujourd'hui, qui malheureusement, ou heureusement, enfin bref, ne marche pas toujours du premier coup, mais il y a une façon d'apprendre et un cycle de vérification qui est beaucoup plus souple et qui est beaucoup plus réactif que ce qu'on peut connaître dans les développements classiques. Enfin, vous voyez, on parlait de l'Insight tout à l'heure, c'est intéressant. La sonde Insight, l'instrument SAISE Insight a été développé en maîtrise d'œuvre CNES, et croyez-moi, on n'a rien laissé au hasard, et on a fait tout ce qui est possible de faire pour que, arrivé sur Mars, cet instrument il fonctionne. Là, il y a des milliards d'euros de dollars qui sont sur la table, donc forcément, la démarche, elle est un petit peu différente. Mais ces nanosatellites, et David l'a bien dit, ils répondent à un besoin aujourd'hui. Par exemple, et typiquement, c'est l'imagerie optique qui a été un des premiers porteurs. Planet Lab aux États-Unis ont des vraies flottilles de nanosatellites qui observent la Terre, qui prennent des photos. Ils n'ont pas évidemment les mêmes résolutions que des satellites comme Pléiade, mais ils ont une revisite et une capacité à prendre ces photos rapidement qui est extrêmement intéressante. Donc ça aussi, ça a répondu à un besoin. Donc en fait, ils ont bénéficié de cette opportunité, de cet effet d'aubaine qui était un besoin sociétal naissant, qui alors de la poule et l'œuf, je ne sais pas qui est au début, mais en tout cas, ça fait une synergie positive, et c'est très bien. Et puis, on va vous mettre également le lien sur le fil Facebook de l'émission d'il y a 10 jours, où on détaillait précisément la mission Insight et tout l'appareillage et les petits bijoux de technologie qui partent vers Mars pour connaître et enfin finir par avoir des indices sismologiques sur la nature du noyau de la planète Mars. On en reparlera certainement un peu tout à l'heure. Peut-être un mot tout de même aussi, David Mimoun, pour expliquer ces CubeSat. En fait, il y a aussi quelque chose, vous parliez du Lego ou du puzzle tout à l'heure, d'un assemblage qui ressemble de très près à la façon dont on assemble un ordinateur. Donc on est aussi dans une ingénierie assez facile, assez simple, et qui va déterminer le fait que ces CubeSat, ils ont été aussi beaucoup produits en université. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Marianne. Je suis assez d'accord en fait avec la façon dont elle présente ça. À l'origine, on se positionne dans un contexte qui est académique, et dans un contexte qui est académique plus innovation, hein, le contexte de Stanford. Donc, et avec un coût qui est très largement inférieur. Donc la stratégie des CubeSat à l'origine, et je l'ai vécu moi en temps réel, parce que j'avais des élèves qui étaient là-bas en stage, donc je voyais bien ce qu'ils faisaient. Ils faisaient un premier CubeSat. Et puis, ça marchouillait ou ça ne marchait pas. Et puis, ils apprenaient, ils regardaient là où ça n'avait pas marché. Puis, ils en refaisaient un autre dans la foulée, l'année d'après. Donc, on était en fait dans un cycle, pardon pour l'anglicisme, fly, learn, refly, qui était... Voler, apprendre, revoler tout de suite. C'est-à-dire, on n'attendait pas en fait de perdre la compétence. Ça coûtait finalement tellement peu cher que... Quel tarif à la louche? Alors, aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, pour faire voler un CubeSat 3U, c'est à peu près 300 000 euros, enfin 300 000 dollars. Enfin, voilà. Ensuite, il y a tout le manpower. Donc, il y avait cette capacité de finalement de refaire très rapidement, de corriger ses erreurs et de reprendre dessus. Donc, et c'est ça qui a permis de lancer. Alors, à la fois, ça pouvait arriver dans un certain contexte, hein. Comme l'a rappelé Marianne, sur SAISE, on a passé quelques temps à faire en sorte que ça marche. Absolument, on n'a pas la possibilité d'avoir une erreur, parce que ça volera pas deux fois. Voilà. Donc là, on était plutôt dans une philosophie, finalement, si on se trompe, c'est pas très grave, puisque l'an prochain, on va corriger, puis on en fait voler un. Voilà. Donc il y a vraiment cet aspect-là qu'il faut bien comprendre. Ensuite, l'aspect Lego, je voudrais insister sur le fait que c'est plutôt la standardisation, elle est plutôt sur l'interface au lanceur que sur l'intérieur. Donc si vous allez sur Internet, vous allez trouver un CubeSat Shop où il y a des différents opérateurs qui vous vendent soi-disant clé en main des solutions. Pour en faire un, là, je peux vous dire que il faut quand même un petit peu d'ingénierie derrière. Et les choses sont très très loin d'être standard, en particulier où ce qui est logiciel de bord. Enfin, je vais rentrer dans des choses un peu techniques, mais il faut quand même des ingénieurs ou des pour développer les logiciels et faire marcher tout ça ensemble. Et on va justement précisément aller voir comment on fait marcher tout ça ensemble. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20 sur France Culture, nous parlons des nanosatellites et surtout des CubeSats tout au long de cette heure en compagnie de Marie-Anne Claire qui est directrice des systèmes orbitaux au CNES et David Mimoun qui est responsable du groupe de recherche systèmes spatiaux à SupaAéro. L'une des révolutions introduites par ces CubeSats, ces nanosatellites, on l'a dit, c'est le développement de ces modules au sein des universités. Bonjour Mathieu Lefrançois. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes rendu au Centre Spatial Universitaire de Grenoble qui travaille précisément sur un CubeSat qui doit permettre de scruter les aurores boréales. Voilà, ATIS, c'est le nom d'une nanosatellite en question. Sur place à Grenoble, j'ai donc rencontré Mathieu Barthélémy, qui est le directeur du CESUG, le Centre Spatial Universitaire de Grenoble, qui est aussi responsable scientifique du projet. Et il était accompagné de Mélanie Pruniaud, qui est ingénieure et chef de projet sur ATIS. Je leur ai demandé à tous les deux de m'expliquer le type de CubeSat sur lequel ils travaillent et surtout de m'expliquer en quoi consiste précisément ce projet ATIS. Le CESUG est une structure qui a plusieurs objectifs. L'objectif global, c'est de développer l'instrumentation spatiale miniaturisée pour les nanosatellites. Donc on travaille avec des projets d'instruments qui vont avoir une mission d'observation de la Terre par exemple, ou une mission de communication, enfin les grandes thématiques qui sont abordées dans le secteur spatial. Certains des projets seront développés avec des étudiants, d'autres non. On essaye de mixer en fait les deux. Parlons maintenant du projet ATIS. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce projet, en quoi il consiste ? Alors, scientifiquement, ce projet a pour donc objectif de faire de la spectrométrie. Alors, la spectrométrie, c'est la décomposition des couleurs des aurores boréales pour obtenir des informations sur la façon dont les particules qui viennent du vent solaire se déposent dans l'atmosphère et sur les perturbations que peuvent provoquer ces particules. En fait, les aurores boréales se produisent entre 100 et 300 km d'altitude et c'est une zone très difficile d'accès. C'est une zone qui est trop haute pour les ballons et qui est trop basse pour faire des mesures in situ, des mesures sur place. Donc on est obligé de faire des mesures à distance. Et on peut dire que les aurores boréales sont un bon thermomètre de cette zone de l'atmosphère, des processus qui se produisent dans cette zone de l'atmosphère. Mais il faut pour ça faire des mesures précises. Et la décomposition des couleurs est un des moyens de faire des mesures des processus qui se passent dans ces zones aurorales. Cette expérience embarque un spectromètre et puis un imageur pour savoir où vise le spectromètre. Il a comme avantage d'être très miniaturisé, c'est-à-dire qu'il va pouvoir tenir dans un CubeSat et il va nous permettre de faire des temps de pose assez courts, de l'ordre d'une seconde, ce qui va nous permettre d'avoir des processus à tout petite échelle temporelle. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. On a aussi tout un système de contrôle thermique, parce que dans l'espace, les variations thermiques peuvent être très fortes selon si on est face au soleil ou si on est à l'ombre de la Terre. Pour gérer la thermique, il y a deux manières. Une manière passive, donc on va utiliser en fait les propriétés des matériaux pour diriger la chaleur vers des endroits froids, par exemple, si on veut refroidir une partie. Et aussi, il y a une manière active, donc là, qui consiste à mettre des réchauffeurs sur certaines parties pour pouvoir contrôler la température. Le satellite pèsera une vingtaine de kilos, donc pour un volume total d'environ 12 litres, donc 30 cm par 20 par 20. Pour quand est prévu le lancement ? Alors il est prévu pour mi-2021. C'est un lancement qui va être fait dans une fusée à côté d'un gros satellite. Et donc on n'a pas l'entière maîtrise de la date. Qu'est-ce que l'observation par satellite change ou apporte de différent par rapport à une observation des aurores faites depuis la Terre ? Alors il y a plusieurs intérêts à observer les aurores depuis l'espace. Le premier, c'est que, en fait, on a besoin besoin pour faire de la météorologie de l'espace d'observations continues ou quasi continues. Or, quand on fait des observations optiques depuis la Terre, on est très gêné par les couvertures nuageuses. Pour donner une idée, on va souvent faire des expériences depuis l'île du Svalbard, très au nord de la Norvège, et les couvertures nuageuses, sur une année, peuvent atteindre 75% du temps. Donc, ça veut dire qu'on a finalement des observations qui sont très discontinues. Depuis l'espace, on règle le problème. Après, il y a une question géométrique. Quand on observe depuis le sol, la façon dont on observe nous permet pas de discriminer les différentes altitudes. On voit toutes les altitudes sur un point de notre photo ou sur nos spectres. Lorsqu'on observe depuis l'espace, on est capable de voir l'aurore boréale sur le côté et donc de discriminer l'aurore boréale qui se produit plutôt à 100 km d'altitude de celle qui se produit plutôt à 200 km d'altitude. Cette information d'altitude est une information qui est très intéressante parce qu'elle va être liée à l'énergie des particules et donc à l'énergie globale qui va être déposée dans l'atmosphère. Et en gros, si on voulait le faire depuis le sol, il faudrait plusieurs instruments. Quelles sont les différences de conception ou les difficultés qu'on peut rencontrer en construisant un nanosatellite par rapport à un satellite, je dirais, plus classique ? L'une des principales différences entre les plus petits satellites par rapport aux gros satellites va être les risques qu'on va accepter de prendre avec les petits satellites. Ils sont moins chers, développés plus rapidement. Une autre différence va être dans le choix des composants. On ne va pas forcément choisir des composants qualifiés spatiales. On va pouvoir prendre des composants du marché. On va pouvoir aller voir dans le laboratoire d'optique où un modèle réaliste d'ATISE est à l'étude. C'est le modèle qu'on a emmené en Norvège pendant l'hiver 2017 pour faire des tests au sol et pour voir si le concept instrumental qu'on avait imaginé fonctionnait bien et fonctionnait avec les performances qu'on avait anticipées. Bonjour, Guillaume Bourdaro, je suis apprenti ingénieur à l'IPAG et au CESUG, donc je travaille sur la maquette optique d'ATISE. Thomas Potier, je suis stagiaire mesure physique au CESUG, donc de fin d'études. Donc là on est autour de la maquette, est-ce que vous pouvez nous la décrire ? On a donc tous les optiques, la lentille d'entrée, les miroirs, qui vont venir faire une image en focalisant la lumière de l'aurore boréale qui sera observée, et grâce à ça on pourra réaliser les spectres. Donc la lumière qui est émise par les aurores boréales va rentrer par une lentille d'entrée. Elle va être focalisée par un système de trois miroirs sur des micro-lentilles. Et donc ici, on a six micro-lentilles qui vont venir séparer le faisceau initial en six faisceaux sur six détecteurs. Et donc à la fin, on pourra obtenir six specs qui nous permettront de déterminer les caractéristiques de l'aurore boréale en fonction de l'altitude d'émission. Donc nous, notre travail ici, c'est de monter une maquette optique, donc avec des optiques qui sont représentatives de celles qu'on embarquera dans le satellite, et faire l'ensemble des tests de caractérisation pour voir, s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Donc par exemple, étudier la lumière parasite qui peut entrer dans l'instrument et gêner son fonctionnement. Une fois qu'on aura fini cette partie-là, on pourra réintégrer un détecteur, faire des mesures de simulation en fait, puis passer à une phase un peu plus aboutie où on pourra mettre les optiques dans un modèle qui commencera à ressembler quasiment à la version de vol. Le CESUG, dans les prochains temps, va développer d'autres projets. On ambitionne de développer environ 1 à 2 instruments par an, de manière à faire de ces nanosatellites des objets scientifiques ou commerciaux de très haut niveau et de très haute technologie. Voilà le reportage du jour sur ce projet grenoblois que vous avez écouté avec attention. David Mimoun, une réaction, est-ce que vous venez d'entendre ? Oui, je suis très content que ce projet ait été évoqué parce que c'est vraiment un bon exemple de collaboration tout à fait vertueuse entre deux centres spatiaux universitaires, le Centre spatial universitaire de Grenoble, qui, comme vous l'avez entendu, en fait, se focalise sur la charge utile scientifique d'ATISE, et puis le Centre universitaire de Toulouse, puisqu'il y en a un, le Centre universitaire... Centre spatial universitaire de Toulouse, dont l'ISAE Superhero est un des membres, on va dire, fondateurs, et qui, lui, va s'intéresser plus à la plateforme, en fait, à tous les systèmes qui vont soutenir la charge utile. Donc le projet est en cours d'étude, alors je crois que c'est en phase A, et on espère que ça va venir, ça va aboutir sur un lancement dans les délais prévus, même si bah, il y a toujours les aléas. Évidemment, les aléas du spatial. Une réaction, Marianne Claire, à ce reportage ? Oui, bah écoutez, c'est emblématique, hein, effectivement, de ce qu'on peut faire maintenant avec nos satellites. Et puis, vous l'avez remarqué, les voix de vos intervenants sont très jeunes. Effectivement, ce sont des jeunes. Et ça, c'est vraiment un des grands aspects des nanosatellites, et c'est très enthousiasmant parce que finalement les jeunes, les étudiants arrivent très facilement à pouvoir fabriquer un satellite et à le tester, à voir si ça marche, qu'est-ce qui marche pas. Cette jeune femme disait on va utiliser des composants du commerce, elle a bien raison, tous ne vont pas marcher évidemment, parce que sinon on en utiliserait partout des composants du commerce. Donc il y a des composants du commerce qui vont résister effectivement à l'environnement spatial, et il y en a qui ne vont pas résister à l'environnement spatial et du coup il faudra recommencer et remettre sur le métier l'ouvrage. Mais on voit bien que c'est une méthode aussi qui permet l'apprentissage de façon très pratique et avec un sens du pragmatisme important. On a parlé tout à l'heure de ce qui était les systèmes d'apprentissage, de vérification, le fly, test and refly. Et c'est vraiment, vraiment cela qu'on peut noter dans ce reportage. Bon, les CSU, c'est aussi, le CNES est également associé évidemment au CSU. Il y en a plusieurs en France. Hein. Il y en a un à Toulouse, comme l'a dit David. Centre spatiaux universitaires pour CSU. Centre spatiaux universitaires, comme on l'a dit, c'est donc avec des universitaires. Il y en a un également à Montpellier. Et puis, il y a d'autres écoles également et d'autres universités qui s'intéressent aux nanosatellites. Et il y a l'école polytechnique, l'école des mines qui ont lancé récemment des nanosatellites et effectivement faits par des étudiants. L'IUT de Cachan aussi. C'est intéressant, peut-être justement, Marie-Anne-Claire, le fait qu'on en a parlé, hein, que ces CubeSats, que ces nanosatellites soient développés par des centres spatiaux universitaires, pas seulement en France, à travers le monde aujourd'hui. Quelle est la politique d'une agence spatiale comme le CNES? Vous travaillez directement, vous vous mettez vous-même, le CNES reçoit des demandes de financement, de partenariat avec ces centres spatiaux universitaires, vous greffez sur des projets qui vous semblent intéressants, comment ça se passe? Alors, on se fait plus que se greffer sur des projets intéressants. On est un peu des initiateurs aussi de ce genre de choses. Donc, on a un projet. Toutes ces activités de nanosatellites étudiants sont rassemblées dans un projet au CNES qui s'appelle Janus. Et Janus a plusieurs fers à son feu. Donc, c'est soit de soutenir des CSU et de promouvoir leur capacité à fabriquer et à lancer ces nanosatellites. Essentiellement, ça se traduit par un peu d'argent, hein, parce qu'il faut quand même un petit peu d'argent pour faire ces nanosatellites, et puis par de l'ingénierie qui est disponible chez nous pour aider éventuellement les étudiants, par des moyens aussi d'essais qu'on peut mettre à disposition de ces centres-là pour qu'ils travaillent sur leurs satellites. Et puis on a également en interne un projet qui est réalisé donc uniquement avec des stagiaires étudiants qui s'appelle ISAT, qui volera d'ici quelques mois, et qui également est un nanosatellite qui utilise des technologies issues de la R&T du CNES et qui permettra de montrer aussi des missions intéressantes dans les années qui viennent. Mais nous n'avons pas que cette vision étudiantine et universitaire sur les nanosatellites au CNES. Nous pensons qu'il y a également une dimension commerciale. Planet Lab, typiquement, n'est pas du tout enfin, c'est peut-être des émanations d'université, mais aujourd'hui, c'est une vraie boîte qui fait du bénéfice et qui est dans l'aspect commercial des choses. Et donc, nous avons sélectionné un industriel français dans le cadre d'un appel d'offres qui était intéressé à investir avec le CNES sur le développement d'une filière de nanosatellites industriels. Et cet industriel, c'est Nexeia. Et c'est lui, avec Thales Alenia Space, qui va porter le futur de la filière Argos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui va ouvrir les portes sur tout ce qui est Internet des objets. Et on va peut-être en parler. Aujourd'hui, on n'est plus dans la dimension scientifique et universitaire, mais dans la dimension très commerciale avec des constellations de nanosatellites. Et pour fabriquer notamment Angels, hein, qui sera ce premier nanosatellite qui devrait participer au système Argos, on en reparlera dans un instant. Peut-être un mot juste sur cette partie, David Mimoun. Effectivement, on est en train de... Le basculement, comme on disait, le passage à l'âge adulte, c'est petit à petit l'abandon, en tout cas l'éloignement du seul giron universitaire, du fly and retry, comme vous le disiez tout à l'heure, pour arriver à une vraie dimension d'exploitation commerciale, d'investissement et donc tout de bénéfices. Tout à fait. Alors, il faut remercier le CNES là de nous avoir soutenus, hein, parce que très honnêtement, on était un petit peu en retard en France, hein, sur ces aspects-là, sur les 800 satellites CubeSat dont on a parlé. En France, on en a lancé 5. Donc, avec des pays qui tiennent la corde sont les États-Unis, la Russie, mais aussi le Japon. En Europe aussi, nous, on s'est réveillé un petit peu tard, mais il y a eu un effort de fait assez considérable. Et là, si tout se passe bien, la mission Entrisat, donc celle dont je suis l'investigateur principal, va décoller cette année. Donc, ce sera la 6e. Ça en fait pas tant que ça. Mais effectivement, comme disait Marie-Anne-Claire, il y a un aspect innovation. Il va falloir passer, même si on n'a pas eu tout à fait le temps de maturer au niveau académique. Mais ça fait que 4-5 ans que ces centres universitaires sont en place ou commencent à se mettre en place. Il y a une volonté d'essaimage, de start-up. On en a chez nous, donc Alizé Superhero, une start-up qui s'appelle YouSpace, je crois aussi. Et un petit peu, on essaie, du côté du CNES, effectivement, il y a aussi cette volonté de faire essaimer, de générer un petit peu dans l'écosystème spatial qui était plus habitué à des grands donneurs d'ordre. On va dire du style Thales Alenia Space ou Airbus Defence and Space. Donc de passer de ce gros écosystème qui marchait bien, mais extrêmement lourd, extrêmement lent, oui, qui demande beaucoup d'argent, voilà, qui était lourd. Mais une des raisons aussi pour lesquelles on est en retard, c'est que ça marchait bien. Bien sûr. Voilà, on n'avait pas besoin d'innover dans un système qui finalement produisait, à ce système un petit peu plus, on va dire, décentralisé, d'essaimage de start-up. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Petit, petit, petit, tout est minute dans notre vie. Mini-moc et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini-docteur Schweitzer, mini-mini, ça manque d'air. Mini-jupe et mini-moc, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, petit, petit, tout est mini dans notre vie. Mini-moc et mini-jupe, mini-moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini mini mini, mini mini mini mini. Moi je préfère les maxi, maxi moque et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute, il est maxi docteur Schweitzer. Maxi, maxi, ça respire l'air. Maxi, terre et terre, maxus. Maximum et maxibus. Maxi, terre et terre, maxus. Maximum et maxibus. Maxi, terre et terre, maxus. Mini, mini, mini de Jacques Dutronc, forcément, quand on parle de nano-satellite, la tentation était trop belle. On en parle tout au long de cette heure en compagnie de Marianne Claire, qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu à Toulouse. Marianne Claire, qui est directrice des systèmes orbitaux du CNES, et ici avec David Mimoun, responsable du groupe de recherche systèmes spatiaux ISAE Supaéro et co-investigateur de la mission InSight. J'aimerais qu'on parle un peu de la nature de ces missions, parce qu'on a parlé évidemment du développement technique, technologique, quoi qu'on n'ait pas encore évoqué le lancement ou la durée de vie de ces CubeSats, mais on peut peut-être mélanger un peu tout ça pour parler de leurs usages et de leurs usages à l'heure actuelle, de leurs usages principaux, avec notamment Marianne Claire, pendant longtemps, même si c'est moins le cas aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure avec la mission InSight et les missions martiennes ou lunaires, pendant longtemps ces CubeSats, ils ont été limités à une orbite très basse, en dessous de 400 km. Pourquoi ? Déjà parce que en termes de gestion, je dirais, de la législation orbitale, ils pouvaient pas faire plus. Hein. C'est-à-dire que il y a actuellement une législation en particulier en France dont les grands axes sont issus et repris par l'ensemble des puissances spatiales, qui font que vous ne pouvez pas laisser des objets ad vitam aeternam dérivant sur des orbites autour de la Terre. Et donc vous êtes tenu, quand vous avez fini votre mission, vous êtes tenu de dégager la place pour les autres et de retomber sur Terre. Et ça, si vous êtes sur des orbites supérieures à 400 km, eh bien il vous faudra, et si vous n'avez pas de propulsion à bord, voilà, ce qui est le cas aujourd'hui des nanosatellites, eh bien il vous faudra beaucoup plus que les 25 ans dits réglementaires pour quitter cette orbite. Donc il y a, pour le moment, pour les nanosatellites qui n'ont pas de propulsion à bord, il y a une interdiction légale, je dirais, quelque chose comme ça. C'est pas exactement légal le bon mot, parce que oui, cette législation, elle est une législation en France, mais il n'y a pas de législation mondiale sur le sujet. Il y a des accords internationaux qui vont à peu près tous dans le même sens et qui sont respectés globalement par toutes les puissances spatiales en présence. Mais il n'y a pas une loi mondiale, ça n'existe pas. C'est une loi mondiale sur aucun sujet, ça n'existe pas. Donc c'est des accords internationaux. Donc il faudrait, au CubeSat et au NanoSat, il leur faudrait la possibilité d'avoir de la propulsion pour pouvoir aller vers des orbites d'observation de la Terre, des orbites quand même basses, qui leur permettraient de respecter cette durée. 25 ans. L'observation de la Terre, c'est encore c'est la moitié, David Mimoun, je pars sous votre contrôle, des missions CubeSat qui ont été pour le moment exploitées. Alors, il y a essentiellement... Alors, voilà, il faut regarder. Il y a un gros tiers de missions qui sont de type technologique. Ensuite, il y a des missions beaucoup d'observation de la Terre, mais c'est un peu biaisé par les constellations. En fait, puisque nos amis américains de Planet Lab ont lancé quelques dizaines de CubeSat, donc ça a tout de suite modifié le ratio en faveur de l'observation de la Terre. Et il y a eu aussi pas mal de missions sur la physique de l'environnement. Par exemple, la mission QB50, dont faisait partie le satellite Entrisat, qui est une étude de la thermosphère. La thermosphère, donc une étude multipoint. Donc, parce qu'un des gros avantages des satellites, des CubeSat, c'est qu'on peut multiplier les points de vue. Donc, en observation de la Terre, ça permet d'augmenter la revisite, dont on parlait juste à présent. Et pour des choses qui sont un tout petit peu plus scientifiques, c'est-à-dire la connaissance de l'environnement proche de la Terre, quand on s'intéresse au champ magnétique, c'est toujours très intéressant d'avoir plein de points de points de vue. Qu'est-ce qu'on peut utiliser également? Tout ce qui est interférométrie basse fréquence, en fait, Si vous avez des satellites avec des antennes radio en basse fréquence, il n'y a pas besoin d'une connaissance très très fine, on va dire, de la distance entre les satellites. Donc on peut faire de l'interférométrie radio basse fréquence. On peut faire et puis tester en environnement les différentes technologies. C'est-à-dire, on peut imaginer aussi envoyer autour de la Terre, une fibre optique qu'on n'arriverait pas à tester sur Terre ou des choses un petit peu plus biologiques. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on envisage aujourd'hui comme application. Donc, des applications technologiques et un certain nombre d'applications scientifiques où les spécifications, on va dire, les performances dégradées, comme l'évoquait Marianne Claire, des plateformes CubeSat ne sont pas un frein à l'application scientifique. Puis on s'en sert aussi beaucoup comme des tests pour tester un certain nombre d'applications spatiales, de matériaux précisément, pour leur faible coût. Voilà, tout à fait. Oui, ça rentre tout à fait dans le cadre des manifestations de type technologique. On peut très bien, pour un prix finalement beaucoup plus assez raisonnable, tester en orbite, en microgravité, puisque c'est très difficile à faire sur Terre, en microgravité ou sous l'effet des radiations. On peut imaginer envoyer quelque chose dans les ceintures de radiation assez facilement, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Alors, où en est-on aujourd'hui de ce problème, si c'en est un, en tout cas de cet obstacle, disons, de l'absence de propulsion propre? Est-ce que c'est un secteur de recherche aujourd'hui qui concentre des efforts particuliers, Marianne Claire, ou est-ce qu'on part du principe finalement qu'un CubeSat, ça n'est pas propulsé et puis on fait avec? Ah non, jamais. Non, bien sûr que non. Je doutais un peu de votre réponse, mais je voulais la voir tout de même. On part, effectivement, aujourd'hui, c'est comme ça, mais nous avons un certain nombre de études de R&T en particulier qui sont en train de se mener sur la possibilité d'avoir de la propulsion, en particulier de la propulsion électrique qui serait utilisable par des nanosatellites. Et là, il y a énormément maintenant, il y a plusieurs industriels, il y a plusieurs start-up également qui travaillent sur ce sujet, que ce soit en France ou que ce soit dans le monde entier. Et je dirais que la course est lancée et qu'on verra quel est le meilleur qu'il va gagner. Aujourd'hui, je ne sais pas lire dans la boule de cristal encore. Il y a quelques très très bonnes propositions qui sont en cours d'analyse, de tests et de vérification. Et on verra lesquels seront les premiers, seront en tête. Donc bien évidemment, nous aurons de la propulsion à bord des nanosatellites dans les quelques années qui viennent. En tout cas, on y travaille. David Mimoun. Oui, tout à fait d'accord. En particulier, on peut citer nos amis de TrustMe, là, à l'école polytechnique, là, qui travaillent dessus. J'ai un ancien étudiant qui y travaille. De façon un petit peu amusée, on peut dire que c'est comme dans la rue vers l'or. C'est les gens qui fabriquent les pelles qui vont gagner le plus d'argent. Donc, il y a beaucoup de start-up ou de sociétés que ce soit des sociétés de lancement ou des, on peut citer des noms, hein, mais des sociétés de lancement ou des sociétés qui fabriquent des, on va dire, des composants pour microsatellites qui, eux, font un vrai bon business en vendant justement à tous ces, on va dire, soit ces amateurs, soit ces un peu moins amateurs, les composants des CubeSats pour accélérer les temps de développement. Donc, la course, on va dire, aux composants critiques et les premiers qui arriveront à mettre en place une propulsion fiable à un prix raisonnable remporteront la mise. Bien sûr. On entend bien que, alors effectivement, c'est la course, plein de start-up, les agences spatiales qui sont greffées dessus, la diminution des coûts. Est-ce que bien c'est un élément supplémentaire de ce New Space qu'on décrit en pleine expansion aujourd'hui via bien la privatisation d'une partie du secteur de l'aérospatial? C'est aujourd'hui la course au développement de ces nanosatellites. Marianne Claire, ça fait partie de ce nouvel écosystème économique de l'espace qui se développe à toute vitesse depuis, allez, disons, une dizaine d'années. Oui, bah vous le dites très justement, c'est exactement ça. C'est que le nanosat a une dimension aussi économique et commerciale qu'on n'a pas forcément les grandes missions d'exploration, par exemple, des agences spatiales. Donc, à ce titre-là, cet écosystème est en train de bouger énormément. Il y a des nouveaux acteurs qui rentrent. On voit qu'on peut apprendre très vite. Ça coûte pas très cher. On a une capacité à monter rapidement en compétences puisqu'on peut tester, recommencer, refaire. Et puis, donc, toute cette dynamique, ça crée effectivement une nouvelle équation économique. En fait, qui fait que le nanosatellite, eh bien, il peut arriver en orbite à un coût qui est raisonnable. Et un des sujets dont nous n'avons pas encore parlé pour le moment, mais qui est un sujet fondamental dans cet écosystème, c'est évidemment le lanceur. Comment amener, parce que de toute façon, il faut amener ces nanosatellites en orbite. Et si le coût du lanceur est supérieur ou largement supérieur au coût du nanosatellite, eh bien, le schéma économique ne marche plus. Donc, il y a tout un enjeu aussi aujourd'hui qui est d'arriver à trouver des moyens de lancement bon marché. Donc, on peut lancer depuis la station spatiale. Aujourd'hui, c'est quand même ce qu'il y a de plus économiquement facile. Mais on peut, les lanceurs européens Ariane 6 comme Vega ont prévu maintenant dans les années qui viennent d'avoir des systèmes de lancement de nanosatellites. Donc Ariane Vega à partir de 2019 et Ariane 6 à partir de 2021 ou 2022 pour le lancement des nanosatellites. Et puis il y a également des lanceurs dédiés. On voit en Nouvelle-Zélande le lanceur Electron qui est un petit lanceur, hein, un petit lanceur qui met à peu près 150 kg en orbite basse. Et qui fait 12 mètres de haut, enfin je veux dire qui est donc beaucoup plus petit et qui affiche des coûts de lancement autour de 5 millions de dollars pour les 150 kilos. Donc vous voyez, 150 kilos, ça fait à peu près, peut faire jusqu'à 30 petits satellites. Donc ça fait des coûts de lancement qui sont abordables. Et puis il y a des satellites un peu plus, des lanceurs un peu plus traditionnels comme le PSLV en Inde qui est propose effectivement des coûts de lancement qui sont également très bas. Bon, parce qu'en Inde, les choses sont un peu moins chères, peut-être qu'en Europe aussi, globalement. Donc, ça permet d'avoir des lancements moins chers. Donc, ça, c'est une dimension importante qui va être une composante majeure dans cette vision commerciale des nanosatellites. Il faut trouver le moyen de les emmener en orbite. Oui, tout à fait, Marianne. Là, typiquement, là, c'est en tant qu'utilisateur et porteur de projets CubeSat que je réagis. C'est vrai qu'on a eu pas mal de mal à trouver en fait un porteur. Nous, on est parti en 2013. On devait partir donc avec QB50, donc déployé depuis la Station Spatiale Internationale. Il faut savoir que l'opérateur est Nanorax, qui est basé au Texas. Donc vous imaginez la tête de mon administration quand j'ai amené un contrat de lancement soumis à la loi du Texas. C'était intéressant leur réaction. Voilà, et on a dû l'en lancer jusqu'à présent une grosse dizaine, enfin peut-être une quinzaine depuis l'Europe. Donc c'est effectivement un des points sur lesquels il va falloir qu'on travaille dans les années à venir. Je suis vraiment très content que à la fois l'ESA et puis le CNES s'intéressent à ça, parce que en tant qu'utilisateur final, avoir une filière de lancement européenne, c'est absolument nécessaire pour libérer la capacité d'innover et puis ne pas avoir à chercher, on va dire, des contrats avec des sociétés américaines ou des sociétés indiennes, où c'est un tout petit peu plus compliqué. Et enfin, peut-être aussi ce qui serait intéressant, c'est de faire un petit peu comme a fait la NASA sur un certain nombre de programmes, c'est-à-dire d'offrir d'offrir à des start-up, on va dire 50% des start-up ou à des universitaires sur concours de beauté, des lancements de CubeSat. Ça, je pense de la place d'un lanceur. Voilà. Oui. Piggyback toujours, hein, c'est-à-dire. Ah, ouais, alors en strapontin, voilà. En strapontin. Sur un strapontin, c'est pas aussi joli que piggyback. Vous pouvez nous dire en deux mots en quoi ça consiste? Alors, un piggyback, c'est notre jargon du spatial qui consiste à mettre une deuxième mission sur une mission principale. Hein, c'est sur le dos du cochon. Sur le dos du cochon, voilà. On peut dire en français sur un strapontin. Voilà, on a toujours une place dans le strapontin. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de développer ce genre de choses. Je sais que l'ESA a essayé via le programme Fly Your Satellite. Le CNES aussi est évidemment bien placé pour nous aider sur ces aspects-là. Un mot, puisqu'on on arrive dans les dernières minutes de cette émission, pour passer à l'échelle encore en dessous du CubeSat, il y a quelques projets. Alors, on a beaucoup entendu parler du projet Breakthrough Starshot de feu Stephen Hawking et Yuri Milner, de passer au pico-satellite, c'est-à-dire vraiment à l'extrême miniaturisation, et là pour des visées tout autres, qui seraient au contraire pour aller beaucoup plus loin sur des systèmes de voiles solaires ou de propulsion par laser. Aujourd'hui, c'est très anecdotique, Marie-Anne Claire, ou est-ce que ce sont peut-être des formes d'exploration spatiale nouvelles, là aussi beaucoup moins chères, et qui peuvent peut-être nous permettre d'aller beaucoup plus loin que nous ne sommes allés aujourd'hui? Alors, je dirais que sur un sujet comme cela, on est quand même dans la R&T avec ce qu'on appelle les très très bas TRL, hein, on est encore dans des phases très exploratoires et très très premières. Bon, alors la R&T, c'est toujours intéressant de regarder ce qui évidemment faut travailler sur la préparation du futur et pas se limiter aux années que nous avons devant nous. Mais c'est vrai que ce que vous venez citer comme mission. Bah, pour nous, en tout cas, on considère que pour le moment, c'est encore très très loin, très très loin en termes de possibilités applicatives. Très bien. C'est vrai qu'en termes de concept, on est quand même à la pré-étude. Moi, je peux citer une étude qu'on avait faite avec l'ESA sur l'exploration des astéroïdes, où on devait déployer à la surface d'un astéroïde des chipsats, des petits satellites. Alors, il y en avait une vingtaine ou une trentaine. C'était une étude qu'on avait faite en collaboration avec l'Observatoire Royal de Belgique et puis une ou deux sociétés anglaises, anglo-saxonnes. Tout à fait. C'était plus de l'étude de concept et de regarder un petit peu, voilà, on étudie ce concept, on regarde jusqu'où ça va, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce que il suffit pas de dire, bah, on va faire un satellite de 3 cm de côté. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec scientifiquement ou économiquement? Là, c'était une application scientifique. Donc, effectivement, ça va venir. Déjà, observons, mettons en place l'écosystème qui va bien pour au niveau des CubeSat et... La diminution d'échelle, c'est encore à l'avenir. Peut-être un mot, justement, alors toujours à propos de ces CubeSat, peut-être un mot sur la possibilité d'assemblage spatial, qui est quelque chose qui est observé aussi de très près pour permettre d'envoyer ou de faire plusieurs envois et de faire de l'assemblage. Qu'en pensez-vous? Là aussi, c'est trop loin, c'est vraiment toute première phase de recherche, Marie-Anne Claire? Non, là, pour le coup, je pense qu'on n'est pas dans le... On est beaucoup moins futuriste que dans les précédentes choses que vous avez citées, et pas que pour les nanosats. La fabrication en orbite, c'est quelque chose qui est très intéressant, sur lequel on réfléchit beaucoup, parce que ça ouvre des opportunités absolument incroyables. Ça ouvre des opportunités en termes de missions. Vous savez, souvent, on est contraint, quand on lance un gros télescope, on est contraint par la taille sous la coiffe, parce que vous avez ce qui fait la qualité de ce télescope, ça va être la distance focale, et la coiffe, elle est limitée. Donc, vous limitez par construction. Si maintenant, vous imaginez un système où vous finissez d'assembler ou de fabriquer le satellite en orbite, eh bien, vous l'envoyez par morceaux et vous l'assemblez en l'air, et donc vous pouvez faire des distances focales comme vous voulez, puisqu'en plus vous vous affranchissez complètement des perturbations au lancement et des efforts mécaniques et de vibrations qui sont inhérents au lancement. Donc la fabrication en orbite, pas que pour les nanosats, elle ouvre de belles perspectives, et évidemment ça sera plus facile pour les nanosats au début, hein. Donc je pense qu'ils seront probablement les pionniers sur ce chemin de la fabrication en orbite, et moi c'est un dossier qui met en plus particulièrement auquel je tiens particulièrement, parce que je pense qu'il ouvre vraiment des belles perspectives. Et la fabrication additive, évidemment, joue une place fondamentale dans cette nouvelle aventure qui nous attend. Absolument. Ça, ce sont des belles perspectives, oui. À moyen terme. Et on en reparlera dans une prochaine émission. parce qu'il est, il est tard, il est 16h54 et comme tous les mercredis, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Tous les mercredis, nous accueillons un étudiant qui vient nous présenter ses travaux ou une étudiante qui vient nous présenter ses travaux de recherche. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Boris Segret. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous, vous effectuez vos travaux de recherche à l'Université Paris Sciences et Lettres et à l'Observatoire de Paris. Bienvenue à la recherche montre en main. C'est à vous, on vous écoute. Merci. Effectivement, je suis thésard en reprise d'études parce que je suis déjà ingénieur depuis pas mal d'années et j'ai choisi d'aller vers le doctorat pour cette démarche scientifique justement. Donc je le fais à l'Observatoire de Paris, l'université PSL a son pôle spatial qui s'appelle CCRS et mon sujet c'est la navigation autonome pour CubeSat interplanétaire. Donc il en a été beaucoup question. Le CubeSat, c'est un satellite de la taille d'une boîte à chaussures qui se sont popularisés en orbite autour de la Terre. Aujourd'hui, on parle clairement de CubeSat pour aller vers l'espace interplanétaire. Donc, plus précisément, mon sujet dans la navigation autonome, c'est de dire, de permettre au CubeSat de déterminer lui-même où il se trouve. Donc, de déterminer sa position sans assistance depuis le sol. Alors le concept de mesure, il est simple, il s'agit de prendre des images d'objets connus en avant-plan d'un écran qui est constitué par les étoiles du ciel, de faire ça plusieurs fois, de trianguler, donc de faire une inversion géométrique, et ensuite de filtrer les données pour les améliorer. Alors ça c'est le concept, maintenant dans la pratique c'est plus délicat. Pour ça, on a besoin d'un capteur optique. Alors, un capteur optique qui va avoir une suffisamment bonne précision. Pour vous donner une idée, la précision nécessaire, c'est être capable de distinguer la maison de Radio France telle que vue depuis la Lune. Et ceci à bord d'une boîte à chaussures dans laquelle on a mis un appareil photo numérique. Pour atteindre cette précision-là, on va pas y arriver directement. Il va falloir utiliser une ruse mathématique qui s'appelle la corrélation croisée multiple, en anglais multiple cross correlation, qui consiste à améliorer cette mesure-là avec le nombre d'étoiles connues qu'on a en arrière-plan. Donc, imaginons qu'on atteigne cette performance, ce qui est désormais raisonnable avec cette méthode. Il va falloir faire plusieurs mesures de direction d'objets et comme on est toujours dans une boîte à chaussures, on ne peut pas le faire simultanément. On doit le faire successivement. Le problème, c'est que quand on vole dans l'espace interplanétaire, on vole typiquement à des vitesses de 30 km par seconde. Et donc, regarder successivement plusieurs objets, dans l'intervalle, j'ai parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc, pour atteindre une précision suffisante, on va faire plusieurs mesures, on va trianguler et on va utiliser une deuxième ruse qui est à la fois géométrique et physique. On va imaginer quel est à peu près le mouvement qu'on est en train de suivre. Avec cette ruse, on va réussir une triangulation dont le résultat sera médiocre, disons-le. Il va être médiocre parce qu'il va être précis à 600 000 km près. Ce qui n'est pas suffisant, par exemple, pour réussir le survol d'un astre distant. Donc, on va utiliser un troisième étage qui s'appelle le filtrage. En l'occurrence, c'est même tout à fait comme le GPS qu'il y a dans votre smartphone. Il a besoin de plusieurs secondes pour se stabiliser et pour s'affiner. Et grâce à ce filtrage, on va atteindre plus ou moins 50 km de précision sur un scénario typique de vol de la Terre à Mars. Donc là, on commence à être dans des performances intéressantes. Dernière difficulté, il faut mettre tout ça dans un calculateur qui s'est embarqué dans le CubeSat et qui va savoir faire tout ça tout seul. Voilà, alors où est la science dans tout ça? Eh bien, c'est une thèse d'ingénierie qui ne va pas apporter un nouveau savoir, mais apporter un nouveau savoir-faire. Et ce savoir-faire va être dédié à la science, puisqu'il va ouvrir la porte à de nouvelles applications. Typiquement, la mission d'accompagnement d'exploration d'un astéroïde, où le CubeSat, lui, va pouvoir prendre beaucoup plus de risques en s'approchant de l'astéroïde, parce qu'il sera plus autonome. Ou bien des mesures directement dans l'espace interplanétaire sans aucune contrainte, ou encore même des survols multiples d'astéroïdes distants. Merci beaucoup Boris Segret. Voilà peut-être le point de départ ou l'un des points de départ de la propulsion autonome des CubeSat. Merci beaucoup d'être venu nous exposer vos travaux de recherche. Merci à David Mimoun qui est ici avec nous. Merci à Marianne Claire. Merci à nos camarades de France Bleu à Toulouse pour le duplex. Un mot pour vous dire que c'est aujourd'hui que sort le numéro 2 des Idées Claires. Voilà ce module à la fois en podcast audio et en vidéo qui a été partagé sur les réseaux sociaux d'où nous essayons de remettre les Idées Claires autour d'un sujet sujet de désinformation autour aujourd'hui de l'homéopathie, je vous conseille d'aller y jeter un œil ou une oreille. C'est sur le site de franceculture.fr ou sur les réseaux sociaux Facebook et sur le fil Twitter. C'était Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique. Un mot pour dire que tout de suite, c'est bien la série documentaire Comédien, le plus beau métier du monde par Julien Thèves et Angélique Thibault. Tout à l'heure, du grain à moudre, nucléaire iranien, nucléaire coréen, deux poids, deux mesures. Et puis demain, jeudi histoire, nous parlerons du physicien Richard Feynman. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.